Oui, j'écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. J'appelle pour la ménagère. Ah, Ah! oui, monsieur, oui, Voilà, tout à fait. c'était vous qui avez passé l'annonce. Oui, c'est moi-même, c'est moi-même, mais oui, D'accord. monsieur. Ménagère neuve, hein? Voilà, c'est une ménagère toute neuve qui n'a jamais servi. Donc, comment on peut faire alors? C'est à combien? Eh bien, c'est comme je voulais marquer sur le journal, 11 000 euros. Et bon, 11 000 euros? voilà. 1 100, pardon. Combien alors? Attends, je sais plus, je sais plus Attendez. avec ce. En nouveau franc. Un nouveau franc, non, c'est un nouveau franc, 11 000 francs, voilà, un nouveau franc, non, non, non, ça fait mille et quelques euros, Ah. pardon, oui, je sais Alors, ça fait 1 000 et quelques euros. plus, voilà, 1 150, je pensais, Et ça fait 11 000 anciens francs. voilà, Anciens francs. oui, Donc, ça fait 110 francs. comment ça, 11 000 anciens francs, Eh ben, 11 000 anciens francs, ça fait 110 francs. ça fait pas 110 francs, 110 francs communs, non. 11 000 anciens francs. On retire de 2 zéros, ça fait 110 francs. Mais pourquoi vous voulez retirer de zéro? Bah, en anciens francs, allons. Eh ben, 11 000 anciens Eh francs. ben, 11 000 anciens francs, ça fait ça. Enfin, bon, 500 anciens francs, ça faisait 5 francs. Comment 500 anciens francs? Quand on disait 500 anciens francs, ça faisait 5 francs. Ça fait 11, mais pas les anciens francs de 1960. Ah, si, vous savez, moi, Ah non. je... Ah, bah, faut bien que je prenne les références. Alors, donc, ça fait... Vous m'avez dit... Alors? 11 000 anciens francs. 11 000 anciens 11 000 francs. francs, 11 francs tout court, si vous préférez. 11 000 francs. 11 000 francs. Voilà. Eh ben, c'est donc 110. 11 000, monsieur. Ben dis donc, ça fait cher en euros, alors. Ça fait combien en euros? 1 150. 1 150. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord, très bien. Donc, 1 150 nouveaux francs. Voilà, euros. Ah, euros! Bon, alors, Bon, nous d'accord. sommes en 2001, on parle en euros, hein, monsieur, dedans. Hein, On est voilà. d'abord, on est en 2002. 2002, Alors, même en plus. donc, excusez-moi, madame, quand vous aurez mon âge. Donc, ménagère neuve, c'est ça? Qu'est-ce que vous lisez sur le journal? Ben, inox décor perlé doré, c'est ça? Oui. Bon. 1 150 pièces, 70 euros. Voilà, oui, allez, prenez-le comme vous voulez. Ben, je préfère ça, moi. Ça en fait des petites Bon, alors cuillères. écoutez, monsieur, vous continuez de plaisanter, alors moi je n'en ai Un pas. petit peu de respect pour les personnes âgées, s'il vous Oui, je plaît! n'en ai pas ni le temps ni Non le mais loisir. alors! J'ai fait les quatre guerres, moi! Il ne parle pas, je ne parle pas de change, je parle de Ouais, vendre. alors quand même, hein, bon. Alors, moi, je voulais faire un échange avec ma vieille Non, monsieur, ménagère. non, je pas d'échange. Allez, Simone, bonsoir, monsieur. Au revoir. viens t'échanger contre la ménagère neuve. Allez, dépêche-toi. Oh, vraiment, alors, ces gens qui manquent de respect.